C'est le son du terre, dédicace à tous nos voyous. Voix de l'air, dealer, le son qui rend fou. Ici on pèse pas les armes, on rend pas les coups. Tu veux du rap gangster, si on en a beaucoup. Dédicace à tous nos voyous. Voix de balai, le son qui rend fou. Jamais donné de coup de main. On pèse aussi les frangins qui nous trahiront demain. Reste proche de la maille de Théomie. Je reste auprès des miens. Après un meurtre, on se lave jamais les mains. On remet les gants, retourne faire la maille sur le terrain. Miez, boys, tout terrain. Part sur mon dos, c'est rien. Je fais mon genre, c'est tout. Avec Morsay, on fera de petites coupures. On poquera les cœurs et leur putain de bavure. Tant que les Hello qui parlent mal. J'ai une grande gueule, je loue quand toi tu dédales. Sont à tous mes voyous du 7-5 au 7-8, du 9-1 au 9-5. C'est le son du terre, efficace à tous nos voyous. Ouais, c'est l'air, dealer, le son qui rend fou. Ici on pèse pas les armes, on rend pas les coups. Tu veux du rap gangster, si on en a beaucoup. Beaucoup d'oseilles à se faire en France, nique sa mère, le maire. C'est mon style de truand de la galère. Nique mes grilles, le bête qui s'a niqué leur mère. Moi je représente pour tous les frères en galère. On en a beaucoup. Le son qui rend fou. Ça, on rendra les coups. Et si on en a beaucoup. Le son. terre, volume 2, 9-5-91 banlieue. Que l'état sous notre queue, mon état est nerveux. Dans la galère, on est des truands. Morsa et Cortex, on pèse à ce franc. On souffre pas, ça n'est l'argent. Grosse voiture, grosse coupure. Baisse les radios qui nous censurent. Je prends l'ascenseur chaque jour. Autant que je puis grave, des loges de 16 chaque jour. Indépendant, fuck les majors. Costard et gros poids, le ghetto mon sponsor. T'es passé à moi, j'étais bien qu'on est trop fort. Bon, le sud, bon, le nord, que tu rappes par quoi. Nique la crise, mais on fait du pisse. Sarko, le pain, on les pèse. Les armes lourdes que je kiffe. L'industrie du disque, je la traumatise. Viens pécho la qualité, rap à cli-cli. Stupéfiant, vos pieds barres au bureau noir. Vie de bandit, on t'encule si tu nous trahis. On est là pour faire du genre art. On nique les fachos, pèse les mythos, les boucaves. On les met à genoux et on leur tire les bastos dans le dos.